contact à Washington dit qu'on n'a pas affaire à un élève, mais qu'on a affaire au professeur. Quand l'armée monte une opération qui doit pas échouer, c'est à lui qu'ils font appel pour entraîner les troupes, d'accord? C'est le genre de type qui boirait un bidon d'essence pour pouvoir pisser sur ton feu de camp. Ce mec-là, tu le largues au pôle Nord, sur la banquise avec un slip de bain pour tout vêtement, sans une brosse à dents, et demain après-midi, tu le vois débarquer au bord de ta piscine avec un sourire jusqu'aux oreilles et les poches pourries de pesos. Ce type-là est un professionnel. J'espère que tu chies dans ton froc, ma poule. Yo, mon gars, je débarque, ils ont la rage de caloto d'intact. Le pitch, la rage, toi, t'es trop naze avec tes phases monosyllabes. Mollo, petit gars, genre de type qui roule en solitaire. Personne de solidaire, je me fais du mauvais sang pour le solidaire. XQV 2000 moins 2 qui se raccroche à la ville. Les frères sous bois, le rêve bleu, c'est que dans la lampe d'Aladine. Vrai, chaque fille n'a qu'un bras charmant. Les autres, mais c'est pour l'oublier. T'as pas de couronne ni de trône, excuse-moi là, car je viens de t'oublier. Car j'ai le vague à l'âme depuis des années. Donc un feu de malade, du rose le va à l'âme d'année. Moi, je chante pas de belles balades. T'as rien capté, mais c'est normal, c'est le but de la manœuvre. C'est de l'art, c'est beau et bien foutu, c'est sûr que c'est pas ta meuf. J'crois plus en l'homme, j'crois sur moi-même, et ça c'est triste à dire. Si j'ferme les yeux, j'm'envole, ça sera pas comme qu'être dans le Titanic. Les oreilles vont siffler, ouais, surtout celle des faussures de K.O. Mike, de Zoé mort, il ne vit plus qu'à travers trop tout. Très bientôt, tu vas nous payer tes saloperies, gros tas de chiottes pourries, tu verras. Je fais appel aux pompiers, je suis zen pire qu'un bouddhiste. Je me lève toujours du pompier comme un unijambiste. Et je débarque avec quelques potes pour niquer la piste. Je me fais les dents sur la prod, Jimi Hendrix. Je suis un ovni, t'es mal cratère. Je prends du poids pire qu'un sumo. Si j'ai pas les pieds sur terre, c'est parce que je marche sur l'eau. Je bousille votre fast food sur nos routes, y'a des déviations. Même si j'étais sous coude, c'est que je t'ai fait une soumission. Je suis qu'un génie sous vodka. Pour moi, c'est le lever de rideau. Mes punchlines, les oublie pas. C'est un peu comme le vélo. J'ai autant de chance de finir riche en grattant ce texte ou un astro. Rien à perdre, j'espère que tu biches. Prends au trip. Telle une gastro, j'aime trop le rap du panier. Mais qu'est-ce que je fous de boire à cette heure? Je mets tes mains au panier, comme si j'étais pas skater. J'en lâche une petite dernière et tranquillement je t'achappe. Je suis pas dans la dentelle, mais direct je l'arrache. Good connard, ton numéro de cirque c'est fini. Je te mets une grosse raclée. Ma vie c'est comme dans mes spliffs, y'a des grosses boulettes. Ralenti par la tease et les boules de petites soulettes. On cherche le bif avec l'équipe pour pas rester sur la sellette. Moi perso j'ai fait mes preuves mais sont restés sous scellés. Je vous jure je quitte ma ville mais y'a bien trop de soucis là. Du coup j'écris des rimes et je mets du touch dans mes synapses. J'écris de sales syllabes sur des formes de Sinatra. C'est l'intro, j'ai des punchlines qui me dessinent un trait. De nos jours être un petit tout le monde peut le faire. Tant mieux si tu dis de la merde, c'est ce que le public préfère. Alors fais-toi plaisir, viens dans mon rap musique. Faut qu'un split pour faire un bif, mais c'est toujours mieux que l'usine. Et ouais, la vie c'est dur quand il s'agit de s'épanouir. C'est pas loyal, moi je veux garder mes proches même si c'est pas Noël. Mon arche c'est pas Noé, je remonte la pente en canoë. Je rappe c'est pas nouveau, c'est juste avant j'étais pas doué. D'après le renseignement, on devait avoir affaire à un type tout seul. Mais là, on a un commando d'experts en explosif. Double 4-4, on pose sa grappe d'art. Tu t'évades grâce à T1 et la punchline de mes barges. Fruité comme la salade, raffiné comme du bon sky. Écoute, du salade, tu seras plus même après 10 phases. 110 grâce, mes bébés tech, je dispatch. Disperse les faits divers, y'a trop de distance qui nous sépare. Ça t'embête quand je débarque, j'ai trop de textes dans la tête. J'ai pris le support à trop d'MC. Un dur de bite, putain, c'est bête. Sache que je blague pas, je suis sale comme mon blaze. Aussi bon du gauche que droite, toutes mes frappes, soit la lucarne. T'as plus qu'à casser ton épargne pour investir sur ce bon rap. Tout à plat lu, on a trop de faces, pour moi c'est Nantes la capitale. Y'a pas de super superman, ça là je te fais super mal. Viens faire un tour à Saint-Nas, y'a du super super rap. Ça, freestyle en rafale, du talon chou le billard. J'ai la date d'un cannibale, dis-moi c'est quand qu'on passe à ta. Parle, enculé! Parle, connard! Qu'est-ce que tu vas me dire là? Tu veux que je ferme ma gueule, c'est ça? Sugar to check my dope delivery, they're feeling me. Those the ones that know, not want me to be the dealer. See, to some degree, I'm glad they didn't at first. Cause the thirst made me work, and so did the hunger. See my thumb with me, my finger uncomfortably. Write some of these verses that I hum the beats. I run to thee, with them in the beat of my drum. Won't cease till I'm numb, cause my dream won't come to me. I'll be that beast peeps, come to see. Cooler than a motherfucking summer breeze. MTP, motherfucker, I put on for my city, for my friends, fans, and crew, and you. If you ride with me, for every MC working hard to put their town on the map, spinning the sound that it raps, ripped around in a trap. Yeah, I'm not gonna stop till I'm on. Vice versa, the trailer 34 and I'm gone. Yeah, mon petit, faudrait pas te paraître vieux jeune et encore moins grossier. L'homme de la pampa, parfois où il reste toujours courtois. Et la vérité m'oblige à te le dire, ton Antoine commence à me lui briser une bolette.